poids des mots. Le poids des mots. Le poids des mots. Donne-moi du texte. Du texte pour du texte. Donne-moi du fond s'il t'en reste. Donne-moi. Donne-moi. Dans le fond ce côté et nous on le reste. Ça va les noms. Pour le fond et nous on le reste. Et nous on le reste. Donne-moi du texte. Du texte pour du texte. Donne-moi du fond s'il t'en reste. Donne-moi. Donne-moi. Dans le fond ce côté et nous on le reste. Ça va les noms. Pour le fond et nous on le reste. Et nous on le reste. Donne-moi du texte. Du texte pour du texte. Donne-moi du fond s'il t'en reste. Donne-moi. Donne-moi. Dans le fond ce côté et nous on le reste. Azim. Ça va les noms. Pour le fond et nous on le reste. Et nous on le reste. Tu sais quoi. Chaque texte est une souffrance, une douleur qui sans cesse me lance à travers le cœur et l'esprit. Si l'écriture est mon essence, elle est aussi ma torture. Le prix de ma dépendance à refuser notre futur. Faut que je aille pour coucher sur papier avec toutes mes mauvaises pensées. Faut que je aille pour plonger dans la réalité afin de mieux la décortiquer. Le monde est misérable et certains souvenirs j'aurais préféré oublier. Par faiblesse ou pragmacité, je n'ai le courage d'assumer ni l'un ni l'autre. Et puis ai-je le temps de m'apitoyer sous un épais nuage de fumée, je disparaîtrai vers d'étranges galaxies. Le temps d'un soupir, je vous oublierai. Le temps d'un trait de mes crayons, je crierai ma déception, mon dégoût de certaines perceptions. Je défendrai mon bataillon, ma cause, exorciserai mes démons et ne laisserai personne nous faire passer pour des cons. Du texte pour du texte, des tripes de l'authenticité. Mon trip allier le style et la pensée et la nécessité. Conscience sur beat en rap sur le milieu dans lequel on baigne. Quelle que soit la souffrance, comme mon cœur, mes textes saignent. Du texte pour du texte, des tripes de l'authenticité. Mon trip allier le style et la pensée et la nécessité. Conscience sur beat en rap sur le milieu dans lequel on baigne. Quelle que soit la souffrance, comme mon cœur, mes textes saignent. Au mic comme l'ennemi, je pourrais choisir du vent. Et récent thème sur beat avec des textes vides et saoulants. De folles histoires jamais vécues mais vues dans les films. Étrange prouesse où une nounarque il est sorti vainqueur des flammes, marrant, mais juste un moment. Son rap fini, la vie reprend. Public crédule, sa réussite en dépend. Un vieux papier sur lequel tiennent de pauvres mots. Un stylo trempé couché là dans le vomi gras d'une pierre. Changeons les lois, laissons son chien qu'il porte lui-même la muselière. Rap comme artiste, la discipline des gens du peuple. Il porte nos voix, un exutoire. C'est donc pas pour que fils de pute au mic balance des bruits de couloir. Du texte pour du texte, des tripes de l'authenticité. Azim Severino. Où sont passés ceux qui manient la plume, se plaignent à juste titre, leurs mots sont des enclumes. Frappés jadis le beat, brisons le silence, donc brillons. Mon texte l'embryon d'une guerre à coups de crayon. Du texte pour du texte, des tripes de l'authenticité. Mon trip allier le style et la pensée et la nécessité. Conscience sur beat en rap sur le milieu dans lequel on baigne. Quelle que soit la souffrance, comme mon cœur, mes textes saignent. Du texte pour du texte, des tripes de l'authenticité. Mon trip allier le style et la pensée et la nécessité. Conscience sur beat en rap sur le milieu dans lequel on baigne. Quelle que soit la souffrance, comme mon cœur, mes textes saignent. Un vrai régal quand le texte sent les tripes chaudes. Qu'à chaque mot, qu'à chaque rime, c'est vérité qui rôde. Le moins de blabla, des blatterés sur son. J'ai vu des blatterés s'approprier le mic. Les cafards. Vas-y, donne ce qu'a dit mon pote ou dégage, dégage. Assure tes arrières si tu veux qu'on se tripote ou dégage, dégage. Ne parle pas de respect, respecte tes feuilles avant d'y écrire des conneries. Si tu m'as cru sentimental, c'est certainement que t'as fait une connerie. Je compte plus les heures passées à écrire, les brouillons poubelles. Chaque texte en moi laisse ça des séquelles. Les allées et retours entre le dico et le fond de mon cerveau. Mon cœur a peur, mon honneur. Je veux qu'on comprenne mon texte putain et sans décodeur. Ma seule voix, ma seule âme, ma salam, ma seule foi. Mon seul refuge, ma seule voix. Mon seul prestige, mon seul combat, ma seule loi. Aux yeux de tous et envers tous, ma seule grâce. Mon écriture, c'est ma seule face. La vérité, le poids des mots. La vérité, le poids des mots. Donne-moi tout. Du texte. Donne-moi du texte. Donne-moi du texte. Donne-moi du fond si t'en restes. Ouais, si t'en restes. Donne-moi tout. Donne-moi tout. Donne-moi du texte. Donne. Vas-y, donne-moi du texte. Du texte pour du texte, des tripes de l'authenticité. Mon trip allier le style et la pensée et la nécessité. Conscience sur beat en rap sur le milieu dans lequel on baigne. Quelle que soit la souffrance, comme mon cœur, mes textes saignent. Du texte pour du texte, des tripes de l'authenticité. Mon trip allier le style et la pensée et la nécessité. Conscience sur beat en rap sur le milieu dans lequel on baigne. Quelle que soit la souffrance, comme mon cœur, mes textes saignent. Du texte pour du texte, des tripes de l'authenticité. Mon trip allier le style et la pensée et la nécessité. Conscience sur beat en rap sur le milieu dans lequel on baigne. Quelle que soit la souffrance, comme mon cœur, mes textes saignent. Du texte pour du texte, des tripes de l'authenticité. Mon trip allier le style et la pensée et la nécessité. Conscience sur beat en rap sur le milieu dans lequel on baigne. Quelle que soit la souffrance, comme mon cœur, mes textes saignent.